Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 19. Du don de crainte. Notion de la crainte de Dieu. Division de la crainte en quatre espèces, crainte mondaine, crainte servile, crainte initiale et crainte filiale. Si la crainte est un don du Saint-Esprit, ses rapports avec la charité, quelle est la béatitude qui correspond à ce don? 1. Peut-on craindre Dieu? Qui ne vous craindra, ô roi des nations? S'écriait Jérémie 10, 7. Malachie 1, 6, parlant au nom de Dieu, disait aussi, si je suis le Seigneur, où est la crainte que vous me devez? La crainte peut avoir un double objet, le mal, que les hommes fuient, et ce qui peut être la cause d'un mal. Dieu, qui est la bonté même, ne saurait être l'objet de la crainte, dans le premier sens, il peut l'être dans le second, parce qu'il est des mots qui viennent directement de lui, et d'autres que nous pouvons éprouver à son occasion. Les mots dont il peut être la cause directe, ce sont les châtiments que sa justice nous inflige, ceux que nous pouvons éprouver à son occasion, ce sont les péchés qui nous séparent de lui. Sous ces deux derniers rapports, on peut et on doit craindre Dieu. 2. La crainte se divise-t-elle en crainte filiale, initiale, servile et mondaine? Le maître des sentences établit cette division. Il est facile de la justifier. L'homme s'éloigne-t-il de Dieu par la crainte de certains mots? C'est la crainte mondaine. Se tourne-t-il vers Dieu parce qu'il craint la peine? C'est la crainte servile. S'y tourne-t-il parce qu'il craint le péché? C'est la crainte filiale. Le propre des enfants est de craindre d'offenser leur père. Craint-il tout à la fois et le mal de la peine et le mal du péché? C'est alors la crainte initiale, qui tient le milieu entre les deux précédentes. 3. La crainte mondaine est-elle toujours mauvaise? La crainte mondaine ou humaine est défendue par ces paroles, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » Matthieu 10. Dieu la défendrait-il? Si elle n'était pas mauvaise, la crainte mondaine ou humaine étant celle qui procède de l'amour par lequel on s'attache au monde comme à une fin dernière et toujours mauvaise, à raison de l'amour même dont elle procède. Note. On peut révérer et craindre les hommes de deux manières. Premièrement, à cause de ce qu'il y a en eux de divin, comme les grâces, les vertus, ou du moins l'image de Dieu, et, dans ce sens, celui qui ne respecte pas ses semblables est répréhensible. Secondement, on peut révérer et craindre les hommes, selon qu'ils sont les ennemis de Dieu, à ce point de vue, on est louable de ne pas les craindre. L'Écriture loue, Élie et Élisée de n'avoir pas redouté le prince pendant leur vie. Ecclésiastique 48, 12. Il y a, dit le philosophe, des actions auxquelles l'homme ne doit consentir par aucune crainte, parce que c'est un plus grand mal de les commettre que de souffrir une peine quelconque. Fin de la note. 4. La crainte servile est-elle bonne? La crainte servile, si on la bornait à la servilité, serait mauvaise, comme opposée à la charité, à cause de l'idée même d'esclavage qu'elle renferme. Il est essentiellement contraire à la servitude ou servilité que l'amour de Dieu soit le principe des actes qu'elle produit. Mais, comme la servilité n'est pas essentielle à la crainte servile, et que celle-ci consiste seulement à redouter une peine, soit que l'on aime comme sa fin dernière le bien auquel cette peine est opposée, soit que l'on rapporte ce bien à Dieu lui-même, dont on fait sa fin, de telle sorte que l'on ne craint pas la peine comme le mal principal, La crainte servile est bonne dans sa substance. 5. La crainte servile est-elle, en substance, la même que la crainte filiale? La crainte servile, si bonne qu'elle soit, n'est cependant pas substantiellement la même que la crainte filiale, ces deux craintes différentes d'espèce par leur objet. L'une redoute le châtiment, l'autre le péché, deux mots bien différents. 6. La crainte servile demeure-t-elle avec la charité? La crainte servile vient du Saint-Esprit, dont les bienfaits ne sont pas détruits par la présence de la charité. La crainte de la peine peut exister avec la charité au même titre que l'amour de soi, puisque c'est en vertu du même principe que nous désirons notre propre bien et que nous craignons de le perdre. Par conséquent, elle est renfermée dans la charité, quand nous redoutons la séparation de Dieu comme le plus grand des maux, ce qui est le propre de la crainte filiale. Elle existe encore avec la charité, lorsque, craignant le châtiment, non parce qu'il nous sépare de Dieu, mais parce qu'il nuit à notre bien propre, nous n'établissons pas néanmoins notre fin dans ce bien propre et nous ne redoutons pas le châtiment comme le plus grand des maux. Ce qui est incompatible avec la charité, c'est la crainte de servilité qui redoute comme un mal souverain la privation d'un bien particulier que l'on aime comme sa fin dernière. 7. La crainte est-elle le commencement de la sagesse? Le Saint-Esprit lui-même a dit, « La crainte est le commencement de la sagesse. » Psaume 110, 10. La sagesse, envisagée dans son essence, a pour commencement les premiers principes de la foi, mais, pour les premières opérations par lesquelles elle se révèle en nous, elle commence par la crainte, soit servile, soit initiale. La crainte servile, toutefois, n'en est pas le commencement, de la même façon que la crainte filiale. Elle est une sorte de principe extrinsèque qui nous éloigne du péché et nous rend par là même propres à l'amour de la sagesse, selon cette parole de l'Ecclésiastique. 1, 27, la crainte du Seigneur chasse le péché, au lieu que la crainte filiale est le commencement réel et effectif de la sagesse elle-même. En effet, si la sagesse doit régler la vie humaine d'après les lois divines, elle doit commencer en nous par un sentiment de respect et de soumission à l'égard de Dieu. Note. Ce qu'est la racine par rapport à l'arbre, la crainte de Dieu l'est par rapport à la sagesse. Comme l'arbre est virtuellement dans sa racine, ainsi la sagesse est dans la crainte de Dieu. De là cette parole, la crainte du Seigneur est la racine de la sagesse. Ecclésiastique 1, 25. Et cette autre encore, la crainte de Dieu est la sagesse même. Job 28, 28. Fin de la note. 8. La crainte initiale diffère-t-elle en substance de la crainte filiale? Qui dit crainte initiale, dit une crainte qui commence. Par l'emploi de cette expression, on ne veut pas distinguer la crainte initiale de la crainte servile ni de la crainte filiale, qui peuvent être, chacune à leur manière, le commencement de la sagesse. On désigne seulement l'état des commençants chez lesquels une crainte quelconque se manifeste par un commencement de charité, mais en qui la crainte filiale n'est pas parfaite, leur charité ne l'étant pas elle-même. La crainte initiale est à la crainte filiale ce qu'est la charité imparfaite à la charité parfaite. La charité parfaite et la charité imparfaite, quoique différentes quant à l'état, ne diffèrent pas quant à l'essence. La crainte initiale, telle que nous l'entendons, ne diffère pas non plus substantiellement de la crainte filiale. Note. Elles ne diffèrent qu'à raison de l'imperfection et de la perfection de la charité. La crainte que l'Écriture nous marque comme le commencement de l'amour est la crainte servile qui introduit la charité, comme l'aiguille introduit le fil. Fin de la note. 9. La crainte était l'un don de l'Esprit Saint. L'Écriture énumère la crainte parmi les 7 dons de l'Esprit Saint. Isaïe 11. Cette crainte n'est pas la crainte humaine, qui porta Saint Pierre à renier le Christ. Elle n'est pas non plus la crainte servile, qui, pour venir du Saint-Esprit, n'exclut pas néanmoins la volonté de pécher, car les dons de l'Esprit Saint ne sauraient exister qu'avec la grâce sanctifiante. Conséquemment, la crainte de Dieu, énumérée parmi les 7 dons, est la crainte filiale ou chaste. Les dons produisent en nous une grande docilité par rapport au mouvement de l'Esprit divin, et tel est l'effet de la crainte filiale qui nous fait révérer Dieu et craindre de nous en séparer. Aussi cette crainte tient, parmi les 7 dons du Saint-Esprit, le premier rang dans l'ordre ascendant, et le dernier dans l'ordre opposé. Note. La crainte filiale n'est pas opposée à la vertu de l'espérance. Elle ne nous porte pas à désespérer de la grâce de Dieu. Elle nous fait craindre seulement de nous soustraire nous-mêmes par le péché au secours divin. La crainte filiale et l'espérance marchent ensemble et se perfectionnent mutuellement. Fin de la note. 10. La crainte diminue-t-elle à mesure que la charité augmente? Il y a 2 sortes de craintes, la crainte filiale, par laquelle le fils a peur d'offenser son père ou d'en être séparé, et la crainte servile, qui redoute le châtiment. La crainte filiale augmente avec la charité, plus on aime quelqu'un, plus on craint de l'offenser et de s'en séparer. La crainte servile est, quant à la servilité, totalement détruite, lorsque la charité arrive, mais la crainte de la peine reste en substance, comme il a été dit plus haut. La crainte de la peine elle-même diminue avec l'augmentation de la charité, notamment par rapport à son acte. Plus on aime Dieu, moins on craint ses châtiments, et cela, pour 2 raisons. On songe moins à son bien propre auquel la peine est contraire, et on espère davantage que l'on sera récompensé de Dieu même. 11. La crainte subsiste-t-elle dans le ciel? La crainte du Seigneur est sainte, dit le psalmiste, elle subsiste dans tous les siècles. Psaume 18, 10. La crainte servile ou crainte du châtiment, incompatible avec la sécurité de la béatitude éternelle, n'existe en aucune façon dans la patrie céleste. Mais la crainte filiale, qui augmente avec la charité, sera parfaite quand la charité le sera elle-même. Par une conséquence nécessaire, son acte ne sera pas entièrement le même qu'ici-bas, où, vu l'instabilité de notre libre arbitre, il est toujours possible que nous renoncions à la soumission à Dieu. Au ciel, la crainte de ce mal n'existe pas. Si les esprits célestes tremblent à la vue de la majesté incompréhensible de Dieu, ce n'est pas d'une crainte pénible, mais d'admiration. Saint Augustin, ne voulant pas se prononcer sur l'existence de la crainte dans le ciel, a dit, si la crainte chaste, qui, selon l'Écriture, subsiste dans tous les siècles, doit exister au céleste séjour. Elle sera celle qui affermit dans le bien qu'on ne peut perdre, et non la crainte qui redoute le mal. Ou bien, s'il ne peut absolument exister aucune espèce de crainte dans le ciel, celle qui, selon l'Écriture, subsiste dans les siècles des siècles, exprime peut-être l'éternelle récompense où la crainte chaste nous conduit. Note. L'existence de la crainte dans le ciel n'est pas un dogme de foi. Comme on le voit, saint Thomas reconnaît, avec saint Augustin, que l'on peut soutenir qu'il n'y a dans le ciel aucune espèce de crainte, bien qu'il ne partage pas ce sentiment. Fin de la note. 12. La pauvreté d'esprit correspond-elle au don de crainte? La crainte du Seigneur, remarque saint Augustin, convient aux hommes humbles, dont il est dit, bienheureux les pauvres d'esprit. Puisque la crainte filiale témoigne à Dieu le respect et la soumission, tout ce qui est la conséquence d'une telle soumission se rapporte au don de crainte. Or un homme qui se soumet à Dieu cesse de chercher sa gloire en lui-même ou en toute autre chose qu'en Dieu. L'entière soumission que nous supposons l'y force. Ceux-ci se confient dans leur char, disait le psalmiste, ceux-là dans leurs chevaux, mais nous, nous invoquons le nom du Seigneur. Psaume 19, 8. Par conséquent, quiconque craint Dieu parfaitement ne met sa gloire, ni en lui-même par l'orgueil, ni dans les biens extérieurs, deux dispositions qui appartiennent à la pauvreté d'esprit, que l'on peut entendre, avec saint Augustin, de l'absence de l'orgueil, ou, avec saint Ambroise, du mépris des biens temporels. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.